Chapitre 8e. Pendant mon séjour à Rio de Janeiro, on vendit 7 nègres qui avaient appartenu à un maître humain et bienveillant. Ces pauvres diables, habitués à être traités avec douceur, furent pris d'effroi à la pensée de devenir les esclaves d'un autre maître. Ils se révoltèrent et se barricadèrent, mais après avoir opposé à une 60aine de gendarmes une défense désespérée, après avoir été blessés pour la plupart, ils furent conduits à une maison de correction où les maîtres, mécontents de leurs esclaves, les font enfermer et quelquefois punir de la peine du fouet. Du reste, les cruautés sont devenues fort rares au Brésil. Peut-être l'intérêt des maîtres est-il pour quelque chose dans la façon plus humaine dont on traite aujourd'hui les nègres. Depuis que la traite est abolie, un nègre qui autrefois coûtait 1 000 ou 1 200 francs en vaut 6 à 7 000. En somme, la vie du nègre au Brésil est bien préférable à celle de la plupart des malheureux colons que des spéculateurs y expédient avec de belles promesses et qui sont victimes à leur arrivée des plus douloureuses déceptions. On rencontre dans les rues de pauvres gens de tous les pays, pâles, hâves, mendiant leur pain. J'ai vu deux Chinois, dont l'un était aveugle, recevoir l'aumône d'un vieux nègre. Il faut bien des conditions, que probablement on ne fait pas connaître à l'avance, pour qu'un colon puisse se livrer avec profit à la culture dans un pays vierge comme le Brésil. Avant qu'il retire quelques fruits de son travail, il s'écoule plusieurs années, et si pendant cet intervalle il n'est pas soutenu, sa perte est certaine. Mais revenons à mes travaux. J'avais hâte de terminer les portraits de l'impératrice et des princesses. Je refusais toutes les autres demandes. Je n'avais qu'un but, voyager, faire des études et retourner en France au plus vite. Cependant, l'heure de la liberté n'était pas près de sonner encore. L'empereur vint un jour voir les trois portraits, et après m'avoir donné quelques avis sur la ressemblance, il me dit qu'il fallait aussi faire le sien. Je recommençai donc mes promenades à Saint-Christophe, ce qui me valut de devenir fort en portugais, parce que je me remis à étudier en chemin, de même que je clouais et tendais ma toile toujours en habit noir. Je fis le portrait de l'empereur en bourgeois, habit et pantalon noir, mais ensuite je le priai de me prêter son costume de cérémonie, celui qu'il ne porte que 2 fois l'année, à l'ouverture et à la clôture des chambres. Il voulut bien m'accorder cette faveur, d'autant plus grande que cette fois c'était pour moi seul que je travaillais, désirant emporter ce portrait en Europe. Des nègres du palais m'apportèrent plusieurs malles en fer blanc, contenant le manteau de velours vert, doublé de drap d'or, de la tunique en soie blanche, avec la ceinture, le sceptre, enfin tout ce qui m'était nécessaire. J'allai immédiatement à l'académie pour y emprunter un mannequin, ne pouvant, par convenance, mettre les habits de Sa Majesté sur le corps d'un modèle vivant. D'ailleurs, ce modèle eût été difficile à trouver. L'empereur a 6 pieds, moins 2 lignes. Le mannequin disponible était de beaucoup trop petit. Un autre se trouvait chez un artiste et on ne pouvait me le prêter que dans le cours de la semaine. Quant à celui-là, il remplissait toutes les conditions voulues. J'étais fort contrarié que ma démarche n'eût pas mieux réussi. J'étais inquiet d'avoir dans ma chambre des objets d'une si grande valeur. Il me passait des craintes par l'esprit. Ce jour-là, précisément, je rentrais fort tard. J'avais dîné et passé la soirée chez Monsieur le ministre des Affaires étrangères, et par mégarde, je m'étais plusieurs fois assis sur ma clé. C'était presque toujours le présage de quelque malheur. Quand je refermais avec soin la porte de la rue de la Miséricorde, je suivis à tâtons un couloir sombre et humide, et au bout je montai un escalier dérobé jusqu'à l'entrée d'un autre corridor, à l'extrémité duquel était la porte de mon appartement. Il m'était souvent arrivé de songer, en marchant dans ces ténèbres, que si quelqu'un avait voulu me faire un mauvais parti, il lui eût été facile de m'y tordre le cou. L'immense corridor où donnait la porte de mon appartement était éclairé tout à l'autre bout par une lampe dont la lumière était ce soir-là près de s'éteindre. Je me sentais le cœur serré. « Je ne vois pas ce qu'il y aurait eu d'étonnant, me disais-je, à ce que quelques malfaiteurs eussent conçu le projet de faire main basse pendant mon absence sur les costumes et les insignes impériaux, et s'ils me rencontraient avant d'avoir dévalisé ma chambre, qui les empêcherait de se débarrasser de moi d'un bon coup de couteau en m'étranglant sans bruit. » On conviendra que cette idée-là, qui n'était pas autrement extravagante, n'avait rien de très rassurant. Je dois l'avouer, j'avais peur, ma main tremblait, je ne pouvais trouver ma serrure, ce qui ne m'était encore jamais arrivé. Tout à coup, je sentis une haleine chaude tout près de moi. Certainement, il y avait là un homme. Son corps interceptait par moments la faible lumière vacillante du corridor. Il était évident que cet individu se penchait vers moi. Il cherchait l'endroit où il devait me frapper pour m'abattre d'un coup sans que j'eusse le temps de pousser un seul cri. Dans ce moment suprême, j'eus la force de demander d'un ton qui m'effraya moi-même encore davantage « Qui va là ?» Ne recevant pas de réponse, j'osai répéter ma question en portugais, une belle langue. Même silence. Il y a des moments où une détermination est vite prise. Sûr maintenant d'être tué, je n'avais rien à ménager. Dirigeant donc mon poing fermé à la hauteur du visage de l'assassin, je l'envoyai tomber à quelques pas de moi, puis je me précipitai aveuglément sur lui, sans me soucier qu'il eût ou non des armes, et je lui assenai. Mais le bruit de sa chute, ayant attiré aux portes des corridors une vingtaine de nègres et autres habitants du palais armés de bougies, je fus surpris, hélas, luttant avec un mannequin dont je venais de faire voler la tête et de casser le nez en m'écorchant les doigts. J'appris alors que vers la fin du jour, on m'avait envoyé ce mannequin et que les porteurs, ne me trouvant pas chez moi, l'avaient posé près de ma porte. C'était une aimable galanterie du secrétaire de l'académie qui, aussitôt après ma visite, avait réclamé pour moi le sudit mannequin à l'artiste qui s'en servait. On imagine aisément combien cette ridicule histoire fit rire à mes dépens. Ce maudit mannequin ne m'avait pas joué là son dernier tour. Je voulus le faire reporter à l'académie dès que le portrait de l'empereur fut à peu près terminé. Je demandai un nègre. Les esclaves du palais n'étaient pas gens à se soumettre à pareille besogne. Ils allèrent donc chercher un commissionnaire, aussi noir qu'eux, mais moins élevé dans l'échelle sociale. Aussitôt que ce pauvre diable vit de quoi il s'agissait, il jeta son panier, enfonça sur sa tête un reste de chapeau de femme qu'il s'était arrangé en mettant le devant derrière, ce qui lui donnait un air assez agréable, et prenant, comme on dit, ses jambes à son cou, il se perdit en hurlant dans l'immensité des corridors.